toi, histoire d'un jeune garçon qui d'amour, un grand monde, na Montréal. Comme on n'a pas machine, ni pas automobile, chaque jour faut le faire le plein. Faut qu'il fout le temps pris pour le cabalet. Jeune homme, non, c'est pas toute la nuit. Et comme on n'a pas dormi, changer métier. Changer me dit toujours dit nous. Toutes choses ont devenu nouvelles. On va raconter nous qui ça qui passe un jeune garçon au Canada. On connaît. Les jeunes ont arrivé au Canada, fait le pas bon pas travail. Il va gagner la vie. Pas venir nous les léger. Les chances pour lui. Il vient au grand monde. En forme, mais on a osé une gamme. Gamme, on fait monsieur déclaration. Je suis content, c'est Gabon, nous sauver. Et puis pour monsieur, il comprend que l'on pire très jeune voilé. Et pourtant, le prenant Lyon. Ah, bah, il va t'appeler quoi pour arriver, il va attendre. Ah, oh, gamme, on dit chéri, on a la caille. Et lui, il a rallié mal, il a beaucoup même pris les premiers marches escaliers. Quand mon enfant deux même chez l'entravel. Oh oh, ça va l'île. Chérie, allons faire le plein. Allons faire le plein. Alors fais le plein, alors le fou tant pis. Dans mon nom, Dieu, pour me chial, fou tant pis. Et faiblesse, c'est finalement pareil, monsieur Déria, monsieur pas de sentir le podium. On voit monsieur commence à trembler. Et monsieur connaît, non, fais le plein, monsieur pas pompiste. Dis pas Texaco, dis pas Shell, dis pas Esso. Les pompes gazoline côté Lia, Yamoko, Petro Canada. Je connais le blague Bazol, pas possible Bazol en même. Aïe aïe aïe. Zachary va l'équipe, papa. J'ai dit bon, chéri, je vais faire docteur parce que je me sens que je ne suis pas capable. Comment on a dit ben? Dégage-moi le docteur, m'attends nous. Même chéri, je vais docteur, le docteur dit, sois senti. Il dit donc, je me sens que je ne suis pas bon. Sorti tout le temps des dames crasées. Sorti tout le temps des dames crasées. Donc là, dit bon, on va le prescrire. Mais ça m'a prescrit là, c'est pour prendre trois fois par jour. Mais soit pour. On va prendre l'ambi boucané, grenadia, carotte, grenadine, cachimant Québec. C'est pour que tout le bagage, c'est ça que vous sauvez, vous en passant par la nuit. Dis donc, c'est pas le tout, non? Parce que l'entendez, quand mon âme, il souffre, il est content. Il est pour l'après, il est pour faire de vitesse supérieure pour la demander. Vitesse supérieure pour la demander. Et ma balle, vitesse supérieure quand même. Et ma balle, nous, dimension. Vitesse supérieure. Eh bien, vitesse supérieure, c'est 48 sur 8, 5 ferros, bonne sous côté, des calambas, bloc, son boy. C'est alors. Monsieur commence à prendre les médicaments correctement. Et puis, un jour, quand mon ami me dit, chérie, viens essayer, non. Mais essayez à ce que tu veux, quand mon ami. Gasoline, tu vas te gasoline, gars, il est trop plein. La fête, par exemple, quand mon ami a pris l'ombre, dit, oui. Chérie, t'en pour femme, soit femme là. Plutôt acheter un rigoise, on assassine ma côte d'ivoire. Plutôt battre ma veste dans l'eau. Pas capable encore. Pas capable. Job la 3 du point.